L'ombre est vaste et l'on n'en parle plus. L'homme que tout le monde insulte est un reclus. On l'évite, vivant et mort, on le rature. Ce noir vaincu rentra dans la sombre nature. Il fut ce qui s'en va le soir sous l'horizon. On le mit dans un coin quelconque d'un gazon, à côté d'une église obscure, vraie ou fausse. Et la blême ironie autour de cette fosse voleta quelque temps, étant chauve-souris. Un mort donne fort peu de joie aux beaux esprits. Un cercueil bafoué ne vaut pas qu'on s'en vante. Ce qui plaît, c'est de voir saigner la chair vivante. Contre ce qui n'est plus, pourquoi s'évertuer? Et quand un homme est mort, à quoi bon le tuer? Que sert d'assassiner de l'ombre et de la cendre?